Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 16h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Et ben voilà, ça y est, c'est arrivé, hein, samedi 25 juin, dernière édition du Flycase pour cette saison. Petite édition best-of avec tous les meilleurs titres qui auront marqué cette saison depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Il y a des petites surprises. Qui sera numéro 1? Ben là, c'est la grosse question. Par contre, bon, en même temps, c'est pas une surprise. C'est un titre qui est resté de nombreuses semaines numéro 1. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure aux alentours des 18h. Attention, on est parti. Numéro 20. Allez, on y va, 20e position. Bah là, c'est pas une grosse surprise. C'était numéro 1 il y a quelques semaines. Maggio avec Nike Hawk, numéro 20.

Durant cette saison 2015-2016, Vibrate, à l'instant positionnement en 19, c'était Audio Jack, un titre qui aura totalisé 123 points pour ce classement 19e ex aequo avec DJ SKT Dirty, et numéro 20 c'était Majo avec Nighthawk, 121 points. Alors évidemment c'est un classement réel, on a recalculé toutes les positions depuis le mois de septembre en attribuant 20 points au numéro 1, 19 points au numéro 2, etc., etc. Et on aura un total de 235 points pour le numéro 1 tout à l'heure aux alentours des 18h. Restez avec nous cet après-midi également, nous aurons un pass pour le Soul Happy Festival qui se déroulera, je vous rappelle, 9 juillet à Rongy à Tournai. On aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure, évidemment. Restez avec nous. Sur Galaxy, numéro 18. We'll be right back. lisciare il sapore entri no. always reaching ever higher, always searching for that missing part. You can reach and you can understand. Oh, we're looking for the light. Oh, we're looking for the sign. Oh, we're looking for the light. Oh, we're looking for the sign. Les 20 titres incontournables, c'est le best-of, c'est la dernière édition de l'année, le 25 juin. Et oui, les meilleurs titres, il y a eu 127 titres au total de classés cette année, cette saison 2015-2016. Et puis on vous a donné un petit récapitulatif, le classement complet sera tout à l'heure sur le site. On aura l'occasion de vous proposer les 127 titres, le listing du moins. Restez avec nous, tout de suite on vous parle des soirées sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et nous sommes samedi et ce soir sur Galaxy à partir de 20h c'est Jérôme B que vous allez retrouver. À partir de 21h Franck Lido, 22h Digitom, 23h Marty, minuit Digistorm et à 1h du mat pour clôturer cette soirée sous cette Digigus avec Bad Noise is a Pleasure. Et puis n'oubliez pas tout à l'heure également à 18h c'est Matt le Matou que vous allez retrouver avec In and Out. C'est la dernière de la saison également et tous les bons plans à ne pas manquer, notamment pour cet été. Restez avec nous tout de suite, voici Timothy Milton, ex-numéro 1 de ce classement du Flycase My Love. Et juste après 6 avec Sombra India et Eduardo Castillo. I've always wondered desperately. Yeah, tell me what do you want from me? Now, should I go or should I stay? Before all that shit go crazy. I've always wondered desperately. Yeah, tell me what do you want from me? Now, should I go or should I stay? Before all that shit go crazy. I've been screaming for ya, I've been dancing on ya, but never understand why you was my love. I've been cooking for ya, was good looking for ya, and still don't understand why you was my love. What I believe that you are, my sweetest for my boo, my everything, but I just see that you are. Galaxy. 95.3. Thank you. les 20 titres qui te font bouger. Numéro 14. That little taste of your gun, Venus and furs, you hum and purrs, parting ways with your tongue. That bit of hellified laughter that pushes past her inside. Behind the dark of one beauty, mark it up, liquid animal fire. Tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like desire. That liquid animal cool, that ocean foam it up, pour it in the cup, liquid animal roar. That piece of pepper frog candy that caused a crack in your blue, that did for days of what now remains of that liquid language of you. Tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like desire. Morning rise of your halo, the black and wet of your mane, the bit of sand flowed through your hand, that liquid ebony pool, that velvet vice of your whisper, that little taste of your gun, Venus and furs, you hum and purrs, parting ways with your tongue, that bit of hellified laughter that pushes past your inside. Behind the dark of one beauty, mark it up, liquid animal fire. Tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like desire. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. Dernière édition de l'année, 25 juin, c'est le best-of 127 titres classés. Numéro 18 cette semaine, bien c'était Patrice Bommel avec Indie Soir. Tous les titres qui sont classés, tous les titres qu'on s'écoute ont forcément été numéro 1. Ce sont eux qui ont totalisé le plus de points. 18e, Patrice Bommel, Indie Soir. 17e, Red Axis avec Sabor. 16e, Fred Everything avec Searching. Numéro 15, Usul Selçuk avec Out of My Head. Et à l'instant, numéro 14, c'était Nomi Rampa and Me avec Test Like. Indispensable. Yeah, yeah. Numéro 13. like a spoonful of your loving. A spoonful of your loving. A spoonful of your loving. Nobody goes. anybody in business. And everything you see, and everything you teach, everything you shot, and anybody you do. Everything don't change. It can't be like you say, everybody's business. My own business, not to make my business. I need to expose myself to the public. Everybody could know, who we be everybody in this night. We be everybody in this night. We be everybody in this night. been so long, you're really starting to get down. So much you wanted to hide yourself from being found. Crouch down on the desert floor with yours plastered to the ground. You're used to being all by yourself and safe and sound. Damien Nazan, deux titres classés dans ce Flaycase durant cette saison, et notamment celui-ci, numéro 11. C'était le titre Vermilion, le remix, le Mi Flaycase, numéro 20. Allez, on y va, si vous avez manqué cette première heure, et bien voici les positions numéro 20 à 11, avec Maggio numéro 20, Nighthawk. Numéro 19. Numéro 19, DJ SKT avec Dirty. Numéro 19. Alex Zico, c'est numéro 19 également. Audio Jack avec Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Numéro 18. Numéro 18, Patrice Bommel, In This World. Excellent ça, Red Axis et Abrao avec Sabor. Numéro 16, Fred F. Austin, quel tube cette année. Numéro 16, Gilladouf avec Churching, le remix de D-Tron. Numéro 15, dernier numéro 1 de la saison pour Usul Selkuk avec Josh Morland. On entendra ça tout l'été avec Out of My Head, numéro 15. Numéro 14. Numéro 14, Nomi Rump Enemy avec Test Like. And the dark won't be the market up like Gudan. Numéro 13. Ecstasy et Green Velvet, c'était au début de la saison avec ce titre Sugar, numéro 13. Give me some milk, sugar, and a spoonful of your love. Numéro 12. Alors celui-là également, il aura cartonné durant de nombreuses semaines dans le Flaycase. Delay Sosimi Afrobeat avec Too Much Information, numéro 12. Et enfin, Damien Lazarus, c'est ce qu'on vient de s'écouter il y a quelques secondes avec le titre Vermilion, le Mi Remix. Galaxy Flaycase, numéro 10. Allez, on y va avec les 10 meilleurs pour cette semaine. Qui sera numéro 1? C'est la grosse question en réponse aux alentours des 18h. Et c'est avec nous également un passe tout à l'heure d'ici 10 minutes pour le Soul Happy Festival dans 10 minutes. Tout de suite, voici le numéro 10 avec DJ Leroy et Get Deep. I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What's up? Chilling in the corner at the shell door by myself, checking it out, I'm not dancing no more, but why? Why? Why? What? How on earth are you supposed to vibe around the fake ones, the wild, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what, they just strut, what the fuck, what? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there. I just stare up in the booth at the dread man, spinning the song, spinning it strong, playing things like, when can our house begin? That's my shit. What? Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo.

les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. Flycase, 7ème saison déjà. Eh oui, ça a commencé en 2009, le Flycase. Et c'est déjà la 7ème saison qui s'achève avec un best-of cette semaine. Les 127 titres qui ont marqué cette saison. On vous les propose, mais uniquement dans les 20 premiers. On aura l'occasion de faire un lien tout à l'heure avec le classement complet. C'est le Flycase avec la position de 9 à l'instant, Gershon Jackson et Take It Easy. C'était le remix de Sonny Fodera et Matt Joe. Et numéro 10, DJ Leroy et Roland Clark avec I Get Deep, le remix de Late Night of Guy Remix, tout simplement. Restez avec nous, on vous parle de jeu tout de suite. Non, vous en avez parlé, hein, c'est un événement à ne pas manquer cet été, c'est le So Wappy Festival qui se déroule près de Tournai avec entre autres Rehab, Headhunters, il y aura également Brennan Hart, Radical Resumption, on parlera également de Yves de Ruyter, Olivier Peters, l'équipe de Galaxy sera là également avec Frank Gazzi, il est de notre famille, il y aura également Matt Le Matou, pareil, John Sparks, Silver Sea, Connie de la Laisse, Greg Hall, DJ Sky, Michael H, Nico de Refresh, Phil M, DJ Gus, Narik et encore plein d'autres invités sur différentes scènes. Donc appelez-nous si vous souhaitez repartir avec un pass pour ce So Wappy Festival. Je vous rappelle, c'est le samedi 9 juillet. On a l'occasion de vous en parler toutes les heures sur Galaxy. Et bah, justement, tu as une petite question pour le premier qui m'appelle et qui me dit où se déroule ce festival. C'est près de Tournai, mais où? Voilà, allez-y, 03 20 83 57 57. Bonne chance. Pour te faire bouger. Numéro 8. We'll be right back.

Blackies et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 6 à l'instant de ce best-of de l'année. C'était Alex Goffer, Etienne de Crécy, Smile numéro 7, ex aequo pour Unotos avec Hush et Denise Cruz, C-Line, Woman, pointé numéro 8, It's Everything juste auparavant avec Big Disc, les 5 premiers. C'est dans un tout petit instant, mais juste auparavant, on se parle les soirées pour ce soir sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et ce soir sur Galaxy en mix à partir de 20h, Jérôme B avec Party House, 21h, Girl House Clubbing avec Franck Lido, 22h, Digitom, 6 mix, 23h, Marty, Check It House. À partir de minuit, Digistorm avec Cyclone et 1h du mat jusqu'à 2h, ce sera Digigus avec Bad Noise is a Pleasure. Tout de suite, on se fait un titre également ex numéro 1 des Flakes, Enzo Siffredi. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'était bon ça? C'était Sometimes. Sometimes I wanna ball like that.

something strange. Pour me a taste of something new. She got an old man. Got an old man. Got an old man. Got an old man. titre qui aura fait le bonheur de Flycase durant cette saison 2015-2016. C'était Time avec Jet Faris, un titre repris d'un vieux titre disco de l'année 78 qui s'appelait Ferreira. Tout simplement, on vous a proposé la version originelle en petit extrait il y a quelques semaines de cela. Flycase, égal Flycase numéro 10. Allez, on y va. Si vous avez manqué cette édition de Flycase, elle sera en podcast tout à l'heure. Et puis, si vous avez manqué cette dernière heure, et bien voici le récapitulatif. Numéro 10, DJ Leroy avec I Get Deep. Right in line with the beat, and it's so sweet, sweet. Numéro 9. Numéro 9, Garçon Jackson avec Take It Easy, le remix de Sonny Federa et Matt Joe. Numéro 8. Numéro 8, It's Everything avec Big Disc. Septième, Dennis Cruz avec Sea Lane Woman, leur mix de WED. Numéro 7. Septième également, c'était un ex-écho avec 180 points. C'était Unotus et Anna Club Hush, leur mix de Bebeta. Numéro 6. Numéro 6, Alex Goffer, Hit in the Crazy avec Smile. Numéro 5. Papi Chulo, après nous, encore une reprise Pellet et Tionessi avec Better for the Brain, numéro 5. Written, rinse and repeat, accompagné de Calo numéro 4. Numéro 3. Le trio, les trois meilleurs pour cette saison 2015-2016. Judge, numéro 3. Two Bone Burger, l'accompagné avec Dizzery. Numéro 2. Et enfin numéro 2, on s'est écouté il y a quelques secondes, c'était Jane Faris avec Time. Galaxy Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Eh ben oui, c'est lui. 5 semaines de numéro 1 dans ce classement du Flycase. Claude Van Strook avec Make a Cake, numéro 1 de saison 2015-2016. Take. Flycase. Et ben voilà, c'était le numéro 1 de cette saison 2015-2016. C'était Claude Van Strook avec Make Cake. Voilà, ça nous rappelle plein de souvenirs, ça. Cinq semaines de numéro 1 dans ce classement. C'était la dernière édition. Prochain rendez-vous au mois de septembre, logiquement. On va prendre des vacances pendant deux mois avec un soleil radieux comme ça se passe. Il est en super forme également. Allez, c'est tongue et tout, donc ça se passe bien. Mettre le matouf dans quelques instants. C'est la dernière également, d'après ce que j'ai entendu. Hein. Non. Ah, c'est pas la dernière, elle continue. Bon, bah, je pense que j'en ferai une encore le 2 juillet et peut-être encore jusqu'à mi-juillet, on verra. Bon, bah d'accord, en tous les cas, si vous partez en vacances, n'oubliez pas de nous envoyer la petite carte postale, évidemment, parce qu'on a plein de choses à retapisser. Alors, avec des femmes tout nues pour Willy, s'il vous plaît. Bon, c'est un petit peu démodé les cartes postales, non? Bon, moi j'en écris toujours. Il y en écrit toujours. Bon, ouais, ça va. Parce que sinon, vous pouvez envoyer un texto également, mettre le matou au 06 64. Ouais, mais là, je répondrai pas. Pour savoir si tout est. Si vous êtes bien arrivé à la destination, évidemment. Bon, mettre le matou, c'est dans la tout petite façon. On est parti. Galaxy.